précédemment dans Destination Série. C'est officiel, non seulement la famille du cinéma est auprès du bébé de la nouvelle série, mais aussi tous ceux qui ont piloté les trois séries Stargate à la télévision feront partie de l'équipe. 14 ans après la diffusion à la télévision du dernier épisode de Stargate Universe en 2011, 14 ans déjà, hein, le temps passe quand même tellement vite. C'est par l'intermédiaire, comme tu le disais, Laurent, du site anglophone Gateworld, qu'Amazon annonce officiellement lancer la production d'une nouvelle série Stargate. Donc, si vous avez le coffret, comme moi, eh bien, sachez que vous avez de l'or en barre entre vos doigts, car de bout en bout, cette aventure qui n'était pas gagnée au début a été remportée haut la main. C'est un véritable succès, un véritable plébiscite pour Tom Anders. Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Ce n'est pas exactement le générique d'origine, car il est de mauvaise qualité. Et j'ai remixé avec plusieurs sources pour refaire un beau générique pour nous, pour ce soir. D'abord, le titre français de la série est très éloigné du titre original. En effet, à l'instar des séries comme La Croisière s'amuse, et Chérie fais-moi peur, les titres français font référence à des films. Et ça, on le sait un peu moins. Et j'ai découvert avec plaisir que La Croisière s'amuse vient de Le Congrès s'amuse, un vrai film. Et pareil, Chérie fais-moi peur vient de Chérie fais-moi peur. Eh bien là, on n'y déroge pas. Drôle de dame vient du film Drôle de drame de Marcel Carné. Et le titre français a même été conservé au Québec en français, ce qui est quand même une exception. Eux gardent toujours les titres américains. Oula, je ne pige rien. À vouloir faire comme les Américains, l'histoire est très confuse. J'ai abandonné au bout de 30 minutes de diffusion. Sur le papier, tout matchait. Excellent roman, metteur en scène de la série Foda, un acteur principal qui vend du rêve. Au final, on a le droit à des flics, des militaires, des tueurs et tout le reste qui n'ont ni queue ni tête. Trop compliqué, je lâche l'affaire. C'était la série Menace imminente avec Patrick Bruel qui est diffusé en ce moment. Là, les premiers épisodes sont sortis cette semaine. Bravo à vous, parce que moi. C'est rare que Sylvain ne marque pas de points. La série Menace imminente. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 844e numéro, le 10e épisode de la 24e saison. Aujourd'hui dans Destination Série, on aura bien sûr le 7 Actu, on aura le Secrètement Vôtre, on aura le Rétroviseur 2.0 et bien sûr Manon nous fera un Manon Série Quiz en direct. Et du côté de la pause musicale, je peux annoncer Lazara, mais pour la Star Academy 2025, là je m'abstiens. On verra si on a le temps. Mais tout de suite, voici le rétroviseur de cette semaine. Et ça tombe bien, le jingle est calé. Le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0, alors vu les infos qu'on a à mettre en avant dans le 7 Actu, le rétroviseur 2.0, on va tracer Et on va essayer, je dis bien, on va essayer de ne pas perdre de temps. Donc le rétroviseur, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Donc dans le désordre, je vous donne le casting. On a donc cette semaine Le Voyageur, Les Enquêtes de Vera, Tom et Lola, Menace Imminente et Astrid et Raphaël. Donc la question habituelle que je vous pose, c'est quelle est la série en 5e position ? Bonne question. Astrid et Raphaël premier. Oui, bah on peut le dire le premier, mais pas les derniers, quoi. Donc, on va arrêter le suspense. Hein. Astrid et Raphaël est bien premier. Bah oui. À 4 055 000 téléspectateurs. Après, c'est un peu plus compliqué. Bah, Menace Imminente est peut-être passé 3 ou 4 parce que les premiers épisodes étaient difficiles quand même. Bah, c'est la conversation que j'ai eue hier avec Benoît concernant Menace Imminente. La deuxième soirée, ça fait mal. Ça fait mal. Un peu perdu des téléspectateurs, à peu près 1 million. Donc après, est-ce que ça la place... Ouais. Je n'ai pas regardé du coup. Ça la place. Lâché, ouais. Est-ce que ça place 4e ou 5e? On va dire 5e, tiens, allons-y. Allons-y, 5e. Oui, 5e. Alors là, 5e, ça serait vraiment la chute. Mais non, c'est pas 5e. Bon, alors il reste quoi? On avait dit donc... Il reste quoi? Alors, on a les Enquêtes de Vera, Le Voyageur, Menace Imminente et Tom et Lola. Les Enquêtes de Vera en 5, c'est généralement... Voyageur, moi j'irais Le Voyageur. Alors, les Enquêtes... Non, Voyageur, il est deuxième. En cinquième, on n'a pas les Enquêtes de Vera, on n'a pas Tom et Lola. Donc c'est Le Voyageur, alors, non? En 5e position, on a Le Voyageur. Ah ouais? Mais j'ai mal lu, oh mince. 2 867 000 téléspectateurs. En fait, Manon. Tu fais ça toute là, chaque fois que t'es là. En quatrième. Ah là là. Bah Vera quand Vera, même. Oui, Vera, oui, quand même. Oui. Les Enquêtes de Vera sont bien quatrième à 2 965 000. En troisième. Donc il reste quoi? Il reste. C'est là où ça fait mal. Menace imminente. Troisième audience de la semaine, 3 311 000 téléspectateurs, 17% de part de marché. Pour TF1, un million de moins quand même, c'est pas. Alors, c'est apparemment, pas sur l'ensemble de l'équipe, c'est moi qui ai persisté. Et je garde mon commentaire de la semaine précédente. C'est vraiment. Le gars avec la valise. C'est plan-plan. À un moment donné, on a quand même une course-poursuite en voiture. Ouh. Donc, c'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est propre. Mais ça manque. Il y a un manque. J'essaie de regarder, hein, pour être honnête. Moi, j'ai vraiment tenté, mais au bout de 10 minutes, je me suis dit non, je ne vais pas faire une soirée là-dessus. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, impossible. On a le début d'une explication. Donc, qui est deuxième? Eh bien, Lola, Tom et Lola. Tom et Lola. Alors là, moi, je n'ai jamais regardé. Pareil. Mais 3 824 000 téléspectateurs, presque 20% de part de marché. Déjà, l'épisode précédent avait fait une bonne audience. Donc, apparemment, ça a l'air d'être une série qui s'installe. T'as regardé, Manon, alors, toi? Tu connais? Oui. Non, il y a un bon duo d'acteurs. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a Dwina... C'est Dwina... Ça doit être ça. Dwina Quaesens. On n'est pas loin. Et le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça fonctionne plutôt bien. Bah ouais, alors après, il y en a qui vont nous dire, oui, mais alors, vous dites qu'à 3,8 millions, ça fonctionne bien, et à 3 300 000 pour Menace Imminente, ça fonctionne moins bien. L'écart n'est pas le même. L'écart n'est pas le même, et puis le budget n'est pas le même. Hein. On parle d'une audience de France 3, et là on parle de TF1, un lundi soir. Donc voilà, ceci explique cela du côté de nos commentaires. Donc en pole position, on a bien de nouveau Astrid et Raphaël à plus de 4 millions. Et c'est mérité. Et Sylvain nous annonce que c'est mérité. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du rétroviseur 2.0. Tout de suite, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec, si je ne me trompe pas, hein, parce que là j'ai un décalage, voilà, merci l'ordinateur. Donc après, c'est bien ça, parce que tout est à l'envers aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. On retrouve Sylvain avec Secrètement Vôtre, mais pour le moment, voici Lazara avec Diva. Sans scrupules et sans façon, un whisky sans les glaçons. J'fais l'amour comme les garçons, et on me dira que j'suis une diva. Ah bon, j'ai le cœur en carton, j'suis qu'une contrefaçon. Gambetta Alors, aux dernières nouvelles, Lazara nous avait annoncé un nouvel album. Et moi, j'attends toujours. Hein. Donc, j'espère que c'est toujours dans les tuyaux. Alors, l'endroit côtoie l'envers, où un monde s'ouvre sur une porte grinçante. Non, je prends le texte à l'envers, ça va pas. Ce soir, on ouvre une porte grinçante sur un monde où l'envers côtoie l'endroit. Jusqu'ici, vous me suivez. Où les rues tranquilles d'une enfance rêvée cachent des ombres prêtes à surgir. Une série où les souvenirs d'autrefois se mélangent aux cauchemars et où la réalité devient floue. Sylvain nous emmène, sans plan, sans GPS, dans les coulisses d'un univers où l'insouciance vacille. On met son casque de Walkman sur la tête et on remonte le temps pour les années 80. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut ! Pas de bruit. Tu es prêt ? Ah oui ? Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, on ne va pas commencer par un générique, mais je voulais faire une petite aparté parce que je voulais parler d'un peu de musique aussi, parce que c'est important dans les séries. Et je voulais parler, entre autres, d'une chanson. Aujourd'hui, on va parler de Diana Ross avec un titre très connu de Upside Down, qu'on connaît tous, qui est dans les mémoires collectives. Alors, c'est un titre qui est sorti dans les années 80, qui a été sur un album donc, de Diana Ross, qui a été produit par le duo Chic, qu'on connaît parfaitement. Le style, bien sûr, c'est du groove, du funk disco, qui est très reconnaissable. Avec la ligne de basse, etc. Les paroles parlent d'une relation amoureuse instable. C'était numéro 1 au Billboard, quand même, il faut le savoir, pendant 4 semaines. C'est un immense tube dans les clubs. C'est resté l'un des titres disco les plus emblématiques au monde. Et parmi les faits un peu amusants, un petit secret quand même hein, sur cette chanson, eh bien, Diana Ross n'était pas entièrement satisfaite du premier mix qui a été fait par Chic, qui a fait remixer certaines pistes pour mieux mettre en avant sa voix. Alors bien sûr, on va pas faire toute la musique de Diana Ross, on va parler de Stranger Things. Et pourquoi Diana Ross ? Parce que c'est le titre emblématique de cette saison 5 qui vient de commencer sur Netflix cette semaine. Il y a 4 épisodes, je ne vous spoil pas, je ne vais pas parler de la saison 5 aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes. Et on va parler de Stranger Things pour les 4 premières saisons. C'est donc Stranger Things qui a débuté en 2016 et qui devrait se terminer au 1er janvier 2026. 5 saisons, 34 épisodes en tout. Et bien sûr, tout le monde connaît cette histoire dans cette petite ville américaine des années 80, des enfants qui se retrouvent confrontés à des forces étranges jusqu'à qu'un garçon disparaisse mystérieusement. Et au fil des saisons, on enquête, ça glisse vers l'horreur, le surnaturel, le paranormal, un univers parallèle menaçant, d'où le monde à l'envers, d'où Upside Down, la chanson de l'intro, qui est présent effectivement dans cette saison 5. Le tout baigné dans une nostalgie bien sûr rétro des années 80 avec tous nos films d'enfance et des frissons qu'on peut y accompagner. Parmi les anecdotes, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, je ne vais pas tout dire, mais on va quand même parler de quelques petits détails. À l'écriture, les frères Duffer, qui sont les auteurs de cette série, avaient baptisé la série Montauk, car l'histoire se devait se dérouler à Montauk, à Long Island, dans le... aux États-Unis, bien sûr, un lieu qui est réel et qui a eu des rumeurs, qui a hébergé des rumeurs paranormales, les Montauk Experiments. Mais c'était trop compliqué logistiquement, trop loin d'Atlanta pour tourner, la météo était instable, l'infrastructure n'était pas adaptée. Bref, ils ont tout déplacé et ils l'ont mis dans une ville fictive et cherché un titre plus mystérieux, proche des vieux romans de Stephen King. Stranger Things a été retenu comme titre. On a également dans les premières versions, Eleven avait 13-14 ans, donc plus proche d'un ado que d'une enfant. Et l'arrivée de Millie Bobby Brown a tout changé. Son talent était tellement bluffant que les frères Duffer ont réécrit le personnage pour le rendre plus vulnérable et plus innocent, ce qui a renforcé la relation fraternelle avec Mike, Lucas et Dustin. Ce choix a profondément modifié aussi le ton émotionnel de la série. Le démon Gorgon, c'est un mélange de techniques rétro, pour la saison 1 en tout cas. Le démon Gorgon n'est pas 100% numérique comme nos films habituels de notre époque. C'est un acteur qui a un costume intégral qui était joué par Max Steger et il avait des extensions animatroniques pour la tête. Il a des retouches aussi, il y a eu des retouches en numérique bien sûr parce qu'on est quand même en 2016 à 2025. Et les frères Duffer voulaient un monstre qui se rapproche des créatures justement des films des années 80 où on avait Alien, il y avait quelqu'un dedans. The Thing, pareil, en fait, les monstres étaient joués par des humains, c'était plutôt agréable. Et ce monstre, voilà, existait physiquement sur le plateau, ce qui donnait aux acteurs aussi des vraies réactions de peur et qui se voient effectivement à l'écran. Et avant Netflix, aucune chaîne ne voulait de la série. C'était trop sombre pour les enfants, trop enfantin pour les adultes, trop fantastique pour les dramas classiques, pas assez d'horreur pour les chaînes spécialisées. Bref, ils ont été encouragés à retirer les enfants de l'histoire pour pouvoir passer. Eh bien, Netflix a finalement dit oui après avoir lu le pilote, moins de 24 heures après réception. Ils ont vu le pilote, ils ont dit on y va. Les chaînes classiques voulaient la série Stranger Things, mais sans les enfants. À la fin, c'était la seule option parce que ça posait problème avec tout ce qui se passait. Voilà, ils voulaient une série avec des adultes. Bah, ils voulaient les enlever parce que c'est ça qui était problématique par rapport à ce qui se passait. Alors moi qui n'ai pas regardé la série, ça aurait fait quoi sans les enfants? Ah ben je sais pas parce que ça pas, on l'a pas vu, ça n'a pas eu lieu. Ouais, mais ils sont au centre de l'histoire. Ben je sais. Ouais, ça aurait été totalement différent. Ben non, on aurait rien à voir. Ben, c'est ouais. On est d'accord. Ben, ce qui fait plaisir, c'est un rappel des Goonies aussi des années 80. Oui, c'est aussi. Ça la magie du truc. Donc il fallait des enfants de toute façon. Bref, ça marche. Il y a le public, donc ils se sont pas trompés. Il y a une scène qui a failli justement mettre fin au tournage aussi. Il y a un tournage en extérieur qui a été interrompu parce qu'un vrai tireur dans les environs, dans le quartier d'Atlanta, avait tiré au fusil. Et donc, l'équipe technique et les enfants ont été évacués immédiatement. Personne n'a été blessé, heureusement, mais les frères Duffer, donc les réalisateurs, ont reconnu que c'était l'un des moments où on a frôlé la catastrophe réelle sur une série qui est pourtant fantastique. Mais là, ils ont vraiment risqué leur vie. Un tireur, quelque part, une balle perdue, ça va très vite. La musique du générique, puisque c'est toujours mon fer de lance, la musique a été composée en une nuit. Faut le savoir. Les Duffer voulaient une musique synthwave authentique. Ils découvrent alors le groupe Survive, qui est d'Austin aux USA, qui était fan des Carpenters et de Vangelis. Et ils leur demandent une démo. Et bien, les musiciens, en une nuit, créent le thème principal. Netflix valide immédiatement. Et Kyle Dixon, Michael Stein, les auteurs, signent donc la version originale. L'un des compositeurs dira « On n'a pas réfléchi, on a juste laissé les synthés faire le job ». En même temps, c'est des appareils de l'époque, des années 80. On a tout de suite le son et l'ambiance. Je pense pas que moi, devant le synthé, ça aurait fait pareil. Hein. Ah, peut-être. Hopper, le shérif, a un vrai visuel caché, en fait, parmi son physique. Les chemises délavées, la barbe incomplète, la posture voûtée, tout cela obéit à une règle, montrer que Hopper est coincé dans le passé, traumatisé par la perte de sa fille. Je vous invite à surveiller un détail dans la saison 5, c'est... le chouchou que porte Eleven à son poignet gauche, un chouchou, c'est rose, je crois, ou rouge ou rose. En fait, c'est le chouchou de la fille du shérif qui est morte et que Hopper avait au poignet. Et il l'a donné à Eleven, sa fille adoptive, de la fin de la saison 1, début saison 2. Et elle le porte dans chaque saison, 2, 3, 4 et 5. J'ai vérifié, elle l'a bien dans le sac. Elle a son chouchou au poignet gauche. Et puis, on va quand même s'arrêter sur Millie Bobby Brown, en fait, qui a fait effectivement une audition un peu hors norme, parce qu'il demandait des gènes de jouer des scènes assez sombres, puis après une scène comique, et puis après une improvisation à la scène, une improvisation à la Stephen King, pardon. Et Millie Bobby Brown devait même simuler une télékinésie en silence. C'est plutôt un gros défi pour un casting. Et les Duffer affirment que l'alchimie du groupe s'est ressentie en moins de 10 minutes. Alors pour conclure, parce qu'il faut quand même s'arrêter un jour, je pourrais en parler encore pendant 2 heures, mais on a un planning à respecter. Stranger Things, effectivement, réussit le pari de mêler l'enfance et le cauchemar dans les années 80, comme on disait, avec tout ce charme, ce fantasme rétro, l'horreur viscérale, une œuvre qui prouve que la nostalgie n'empêche pas la peur, mais parfois la rend plus profonde. Et comme ça devient un peu une tradition dans Secrètement Vôtre, on va écouter un titre de musique pour conclure, qui est composé par un groupe qui s'appelle Le Matos. C'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est vraiment un vrai groupe qui a écrit une bande originale pour un film qui s'appelle Turbo Kid, Chronicles of the Westland, qui est sorti en 2015. Soit un an avant la sortie de Stranger Things. Et je vous laisse écouter, peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Le générique de fin. Donc je mets... Vas-y. Je coupe celui-là. Oui. Ok. Et vous me dites si ça vous dit quelque chose. C'est sorti un an avant Stranger Things. C'est à la même, le même c'est... tempo. La même ambiance. Mais c'est la même ritournelle. Un peu plus fort, Laurent, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est... Alors, ils ont pu l'écrire en une nuit, hein, en ayant déjà le titre dans la... Dans la dans la machine. Donc t'es en train de nous dire qu'ils ont copié, c'est bluffant, en fait. Là, je l'ai pas dit, mais je dis que ça aurait été facile. Parce que là... T'as le même tout. T'as le même, oui. Ah ouais, c'est sorti ouais. Un an avant Stranger Things. Vous pouvez vérifier, ça s'appelle Le Matos. Le film, c'est Turbo Kid Chronicles of the Westland. Et c'est le matos, pareil que le titre en français. Le matos, comme le français. Ah oui, non, mais parce que tu t'as dit que le Stranger Things aurait pu s'appeler à un moment donné. Non, c'était autre chose. Non, ça devait s'appeler Montauk. Montauk. Montauk. Montauk. On n'est pas loin, hein, matos. On n'est pas loin. On est un peu dans la. C'est pour donc, ça que c'est marrant. Ils ont presque. Il n'a pas porté plainte, le mec, parce que. Alors, si, il y a eu des histoires, mais si le générique est conservé aujourd'hui, c'est parce que ça a été. Il y a eu sûrement accord ou procès, mais je n'en ai pas le détail. Mais en tout cas, j'ai eu le temps de trouver ça juste avant l'émission, donc c'est tout frais. C'est surprenant, alors, comme Knight Rider où on avait trouvé la musique. Je voudrais signaler que hier soir, Benoît m'appelle, il était quelle heure ? 20h et quelques. On parle de cette actu qui est assez fournie. Alors, il y a des infos qu'on pourra survoler, mais qu'on ait le temps quand même de commenter le retour de Stranger Things. Je t'envoie le message, et c'est-à-dire que dans la soirée, tu nous ponds ça. Et dans la soirée, tu trouves ça. Oui. Ah, c'était pas prévu au départ. C'était pas prévu au départ. C'est Laurent qui m'a envoyé le message hier soir. Et ce qui n'était pas prévu, c'était comment on allait présenter la chronique. On voulait vous perturber, vous faire croire qu'on n'allait pas dans l'univers de Stranger Things. Ah, mais là, c'est raté parce que, comme on a eu effectivement, dès les premières notes de Diana Ross, j'ai su qu'on allait parler de ça. Ah oui, bah parce que t'as vu la saison 5. D'accord. Et on s'est fait la même réflexion. On l'entend, mais toutes les 5 secondes, quoi. Il la fout à toutes les sauces. Waouh, c'est. Même Manon, on va la lâcher la chanson. Et Manon m'a demandé c'est quoi le titre. Bah, je lui dis c'est effectivement le titre qui résonne. Diana Ross, Upside Down. Voilà. Ouais. Alors, il la met. Ah bah. Oui, mais le nom que tu as mis en avant, c'est avec un F. C'est, donc, bon, il la met voilà, à toutes les sauces. Voilà. Ha ha ha. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. C'est vrai. Ouais, ça. Ouais, en tout cas, c'est effectivement une très belle surprise. Et puis, il y a ce générique-là, franchement, excellent. Enfin, cette découverte de ce faux... De ce faux presque générique. Alors ça, c'était improvisé 10 minutes avant l'antenne pour info. Ouais, c'est incroyable. Pas prévu. Et tu l'as trouvé comment ? Par hasard ? Le notre ce morceau de musique juste avant ? Le Diana Ross, hein? Non, le... L'audio que tu as entendu tout au début de ma rubrique. Non, ce que tu viens d'écouter tout de suite. Là, ah, ce que j'ai trouvé, pardon. Oui. Non, c'est le hasard, parce que je regardais sur Internet d'autres infos pour faire la rubrique. Et t'es tombé là-dessus. Puis, je vois cet article, mais je ne comprenais pas de quoi il parlait. Pourquoi il parlait de ce titre que je ne connaissais pas, Chronicles of a Wasteland. En plus, c'est un film avec... un peu de détails, parce que c'est un film improbable, hein, bien sûr. Mm-hmm. C'est un film de super-héros post-apocalyptique. Et entre autres, il y a Michael Ironside qu'on connaît, qui joue dedans. Ah, Michael Ironside. Mais c'est le seul connu. Hein. Bah oui, Michael Ironside, Benoît, tu te rappelles plus? Oh, bah dans Total Recall, mais dans... Ah, Total Recall, V, oui. Les Visiteurs. V aussi. I'm Tyler. Exact. Ah oui, inoubliable, Michael Ironside. Alors, il a fait des films... Ça en fait partie, je pense, parce qu'on s'en souvient pas. Turbo Kid, j'ai pas vu. Oui, il a fait des films, on va dire, alimentaires. Mais bon, voilà, c'était une conclusion un peu surprise de la musique. Alors, je ne vais pas vous demander, dès maintenant, vos commentaires sur les premiers épisodes de la cinquième et ultime saison de la série, puisqu'on reviendra, ça fait partie du 7 Actu. Après les infos de la semaine qui sont tombées, vous aurez le temps de mettre en avant vos commentaires sur le retour de Stranger Things. Alors quand je vois à mon travail et sur les autres radios ou alors à la télévision comment ça bouge, je m'imagine ce que je vais pouvoir entendre, à moins que vous soyez vraiment en dehors des clous. Tout de suite, on marque une nouvelle pause avec Santa. Alors, si j'ai bien compris, la chanson que je vous propose là maintenant, c'est une chanson qui n'aurait jamais dû sortir en single. Elle l'avait créée pour sa tournée. Sauf que les gens ont tellement été emballés qu'apparemment, il serait disponible sur un album. Et moi, je trouve que la chanson, franchement... elle est puissante, et dans l'émission où elle était mise en avant, j'ai entendu son interprétation d'une chanson de Johnny, je ne sais plus laquelle, pareil, hein, au niveau concert, Santa sur scène, c'est les fans qui pourraient parler, ça peut être impressionnant, ça doit être impressionnant d'ailleurs, donc là on la retrouve dans Destination Série, et tout de suite après on aura le 7 Actu. Tout cette actu avec Laurent et Benoît. Alors là, on est bien, on a le temps de faire le 7 actu. Ah, on était bon. Hein. On est bon. Là, franchement, le conducteur, on le suit à la minute. On commence le 7 actu avec une série qui a été retirée du planning d'Apple TV suite à une suspicion de plagiat. Ouais, ça sent le pâté pour Traqué, puisque Apple TV a retiré de sa programmation cette série française, donc Traqué, qui était initialement prévue pour tout de suite maintenant. Hein, c'était pour le 3 décembre. Donc c'est alors, tout je ne me rappelle pas si on en avait parlé dans Ça ira mieux demain. Non, je crois pas. Il me semble pas qu'on en ait parlé. Et en fait, j'avais peut-être le nez fin parce que est-ce qu'elle va vraiment sortir ? Je pense quand même que oui, parce que vu la débauche quand même d'investissement d'Apple TV+. Ouais, mais imagine, Benoît, c'est une série pour toi, parce que toi qui veux découvrir oui, les séries qui sont jamais diffusées, celle-là pourrait très vite arriver au haut du classement. Et donc, comme tu l'as dit, la série est suspendue le temps d'une enquête approfondie parce qu'apparemment, elle se serait inspirée de séries existantes, et donc ça le fait pas, et donc il faut qu'il y ait une enquête qui a été diligentée par la chaîne et par le groupe Gaumont. Et notamment Benoît Magimel, qui est pris pour cible par des chasseurs énervés dans Traqué, où une partie de chasse tourne au drame et un groupe d'amis doit brouiller les pistes pour affronter ces chasseurs en quête de vengeance. Donc voilà, on verra bien, il n'y a pas que Benoît Magimel dans cette tourmente-là, il y a aussi la Française Mélanie Laurent, oui. Entre autres, hein, dans les têtes de gondole, on va dire, et donc à suivre ce que cette enquête va donner, et savoir si on reverra alors dans les mois à venir, ou dans les semaines, si l'enquête, mais je dirais plutôt maintenant, on est parti pour quelques mois, traqué sur Apple TV. La deuxième info de la semaine, alors là, on se dirige du côté de Manon, qui adore les séries diffusées le mercredi, avec la belle Eva Green, qui va intégrer la troisième saison. Eh oui, une actrice française qui rejoint la saison 3 de Mercredi. Elle va jouer le rôle de Tante Ophélia, qui a été souvent citée dans la saison 2 de Mercredi. Et à un moment donné, on se demandait si c'était pas Lady Gaga qui allait endosser ce rôle de Tante Ophélia. Et ben là, du coup, on a la réponse. Ce ne sera pas Lady Gaga, puisque ce sera Eva Green, donc, qui va intégrer le casting dans ce rôle-là. Et moi, j'avais essayé de regarder Mercredi. J'ai lâché parce que c'est pas mon univers. Mais là, Eva Green. C'est vrai. Alors Eva Green, on la connaît. Hein, elle a été James Bond Girl. Oui. Je me rappelais plus. Mais c'est vrai. Côté de Daniel Craig. Dans Casino Royale. Oui. Effectivement. Ouais, donc, on sera très heureux de la retrouver. Alors bon, pour l'instant, on n'a pas de date. Tout de suite, hein, vu qu'elle vient de sortir. Ça sera sans doute pas en 2026. On espère peut-être en 2027 de retrouver donc, charmante Eva Green. Donc, ça sera une des missions de Ça ira mieux demain. Dans la saison 3. De suivre l'affaire. De mercredi. Juste une remarque. Lady Gaga était bien dans la saison 2. Oui. Mais dans un autre rôle. Tu me rassures, parce que j'ai eu un doute. Oui. Un tout petit rôle. Hein, on est dans le monde à l'envers. On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. Tu as dit qu'elle avait été pressentie. Oui, oui. Pour le rôle de Tante Ophélia. Voilà. Elle est quand même. Elle avait été annoncée et tout comme là, jamais. Donc, on l'a vu 5 secondes. On pensait même qu'elle allait revenir dans ce rôle-là parce qu'on l'avait à peine vue et on se demandait si c'était pas elle qu'on voyait. C'est pour ça, on se demandait pas si c'était les images, si c'était pas la Tante Ophélia parce qu'on l'avait très peu vue. Et là, du coup, ce n'était pas elle qu'on a entreaperçue dans la saison 2 puisque un autre. Voilà, bah alors, dans la saison 2, c'est quoi qu'on voyait alors? Un fantôme, un spectre? Ouais, enfin, elle avait. Je m'en rappelle plus trop. Plus exactement, mais on l'a vu vraiment pas vu. Il y avait un doute sur. C'est marquant, oui. Voilà, il y avait un doute sur son identité, en fait. En fait, on l'a surtout vu danser. Hein. pour faire le clip de sa chanson qui cartonne. C'était plus de la com, quoi. Voilà, c'était plus. Ah, elle est venue faire sa chanson. C'était voilà. Plus pour caser la chanson. C'était du placement de produit. Un peu. Un petit peu. Oh, c'est bon, c'est on bon. A fait le tour, bah, on accède à la troisième saison, non ? À la troisième info, et là, ça nous touche particulièrement, même si c'est pas totalement une production française. Non, puisque c'est le nouveau Belphégor qui a dévoilé sa superbe bande-annonce cette semaine. Voilà, et ça arrive vite, puisque sur HBO Max, c'est pour le 11 décembre, dans 15 jours. Ensuite, elle sera diffusée en 2026 sur M6 et M6+, puisque rappelez-vous que cette série est une commande un peu d'M6. Entre autres, et coproduit par HBO Max. C'est pour ça que vous la verrez dès le 11 décembre sur HBO Max. Donc bon, l'histoire est la même, mais franchement, HBO Max a mis le paquet, et même la bande-annonce, eh ben, elle fait envie, avec de superbes images, et on vous invite à découvrir cette bande-annonce sur le site, et on va l'écouter. Vous savez quoi sur ce masque ? Belphégor. Les gens avaient peur de se fâcher avec lui. C'était le dieu de quoi ? Orage. Destruction. C'est quoi ce délire ? T'as embarqué le masque ? J'en ai aucun souvenir. Tu fais des cauchemars ? T'inquiète pas pour moi, papa. Je suis venu prendre des nouvelles de mon masque. T'imagines pas le scandale ? On peut régler ça de notre côté. Tu veux qu'on finisse en prison ? Donne-moi 48 heures. Elle s'appelle Afsamoro. Elle travaille ici. Belphégor cherchant un messager, fit tomber la foudre sur lui. Ou elle. Tu fais des choses dont je me souviens pas. Et dans ces moments-là, je contrôle plus rien. C'est de la folie, tu te rends compte de ce que t'as fait ? Mais je l'ai pas volé. C'est lui qui m'a trouvé. Il a réveillé quelque chose en moi. J'ai vu des choses. Elle va pas bien, tu t'en rends compte ? Qu'est-ce que tu caches ? Il y a un truc plus gros autour de ce masque. Je reprends la main. Aide-moi. Tu souriais, Benoît, je ne sais pas pourquoi. Non, oui, parce que je souriais parce que par le son, quand on voit les images, c'est pas pareil. Mais quand on écoute que le son, il y a un petit côté Stranger Things et les montées d'adrénaline comme ça, rien que la musique, ça fait un peu angoissant dans les paroles. Ça me faisait penser un peu à Stranger Things. Donc après, je veux juste rappeler qu'après Sophie Marceau, c'est Shirin Boutella qui reprend le rôle et c'est elle qui est au centre du récit avec autour d'elle, eh bien, un super casting puisqu'il y a Vincent Elbaz, Orotica, Tiffen Davio, entre autres, sans oublier Kat Merad, que l'on retrouvera dans un rôle mystérieux. Alors, deux choses. J'en profite pour dire que Ça ira mieux demain reviendra en janvier et que là, le gros plan, la grosse mission du nouveau Belphégor, c'est d'essayer, pour moi, de remplacer la version ORTF. Wow. Alors, il y en a certains qui disent « Oui, c'est en noir et blanc, c'est vieux, machin. Ben, » je suis désolé, hein, c'est un peu comme l'île aux 30 cercueils. Des années 70, c'est-à-dire que quand vous rentrez, si vous arrivez à rentrer dans ces vieilles séries, il y a une angoisse, une atmosphère qui n'existe pas pour moi dans l'île aux 30 cercueils que France Télévisions a essayé de refaire à un moment donné. On l'a revu, il est repassé il y a quelques mois ou quelques années, il n'y a pas longtemps. Je l'ai re-regardé justement. De quoi, la version France Télévisions ? Oui, la version d'origine. La version... noir et blanc, celle qui pique, oui. L'île aux 30 cercueils, c'était en couleur. Ah non. Je suis moins sûr, là, sur le coup. Ah, moi, je peux te le dire que c'était en couleur. Alors, c'est une version que j'ai vue peut-être plus ancienne. Alors, peut-être, mais moi, la version que j'ai, elle est en couleur, elle est en DVD. D'accord. Et on n'a pas cette atmosphère flippant qu'on a dans l'île aux 30 cercueils et dans Belphégor. J'adorais ça, c'est des souvenirs de jeunesse. Oui. À regarder, ça se re-regarde. Ils avaient une patte, ils créaient une atmosphère. Et pour en revenir à Belphégor, je vous invite juste à aller voir sur le site de samedi.fr, pardon, l'image que nous a mis Laurent. Et Belphégor, le fantôme du Louvre devant la pyramide, eh ben, elle a un petit côté Dark Vador. Ouais. Mais elle est chiadée, la photo. Ah oui, elle est très très belle. Elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Hein, mais voilà. Donc c'est pour que vous alliez voir tout ça de près. Autre série qui va faire son retour. Alors là aussi, le challenge est doublement fort puisque les deux précédentes saisons avaient fait un véritable carton sur TF1. Et là, de nouveau, TF1 essaye de relancer la machine. Là aussi, c'est pas gagné. Bah non, parce que ça date un peu, hein. Ça date. Ça date un peu, hein, le premier Zodiac, puisqu'il s'agit de Zodiac, ça date de 2004. Donc ça fait 21 ans. J'étais même pas née. Ça va faire 22 ans, puisque si on nous l'annonce pour 2020, enfin ça sera forcément pour 2026 maintenant. Et donc voilà, c'est un grand, encore un grand pari de TF1. Alors, ce qui est certain, c'est que les audiences ne feront certainement pas les audiences de 2004, hein, parce que c'était... Plus de chaînes, surtout, en ce moment. Non, c'est ça, donc, on était à des gros cartons, à des gros coups, on était au-delà de 7, 8, voire 10 millions à l'époque. Hein. Oh, plus, oui, on était à 8, 9. Oui, c'est ça, on était dans ces eaux-là. Donc là, ça sera un petit peu plus difficile. Mais bon, avec, bien sûr, on regrette, on n'a pas l'héroïne principale de l'époque, mais on a quand même du beau monde en remplacement, notamment Catherine Marshall, qui sera aux côtés de Francis Huster, qui lui reprend son rôle. Ouais. Alors moi, jusqu'à quelques semaines, quelques jours, je vous aurais dit, oh là, il n'y a pas Claire Kem, ça sent le pâté. Mais vu la prestation fantomatique qu'on a eu à un moment donné, je sais plus dans quel téléfilm là, où c'était censé être un pilote avec la jeune de Demain nous appartient. Tu te rappelles ou pas? C'était un lundi. C'était Claire Kem était une écrivaine et elle avait à côté d'elle, voilà. Quand on voit comment elle était effacée et inexistante, je lui dis que pour le retour de Zodiac, voilà, pourquoi pas garder Francis, au moins on a une valeur sûre. Non, Francis avec Catherine Marshall, ça peut faire un beau, ça peut le faire. Un beau tandem. Oui, Axel Doux, des jeunes aussi, Philippa Phoenix. Non, franchement, ça peut le faire et donc, à mon avis, ce sera ou pour l'été ou pour la rentrée. Hein, je ne sais pas s'ils vont oser faire ça en série de l'été comme à l'époque. Bah, c'est quand même glauque hein, comme histoire, donc en série de l'été, oula. c'était à l'époque, non, Zodiac, c'était l'été, non? Ah oui, c'était l'été. Ah, c'était une série de l'été. Ah, ouais, je ne mettrai pas ma main à couper, mais. Alors là, pas loin. J'ai pas le souvenir. Non, moi, pour moi, bon, c'était. Peut-être que je me trompe, on va vérifier. Non, mais c'est peut-être moi qui ai une mauvaise. On va, on vérifiera et voilà. On met Manon sur le coup, Manon va vérifier et nous dira. Zodiac en 2020. Non, en 2004. Mais Manon, de toute façon, elle est rarement dans l'émission, donc elle est à fond, là. Quelle était la date de diffusion? Juillet. Ah. Donc tes souvenirs étaient bons. C'était bien. C'était en juillet. Oui, parce que je m'étais fait. On se fondait la poire. Je m'étais fait la réflexion que pour une saison, pour une série de l'été. Après le Vendée Moisson et compagnie. Le château des Oliviers. Le château des Oliviers. Paf, Zodiac. Amusez-vous, c'est l'été. C'était il fait chaud. C'était le début des séries avec des comment. Des meurtres. Des tueurs en série. Avant Dolmen, tout ça. Voilà, c'est. Non mais la main blanche. Donc, en tout cas, l'info, pourquoi l'info arrive aujourd'hui? Eh bien, parce que toute l'équipe a été heureuse de nous apprendre que le tournage était terminé, voilà. Commencé fin août, eh bien, ça se termine fin novembre. Mmh. Et donc, maintenant, c'est toutes les post-produits et compagnie, c'est machin, ça. Et on aura ça. Donc, la question est, oseront-ils l'été? Ou alors, ce sera la rentrée, ou quelquefois même, des fois, au printemps. On a plus trop de repères sur ce qui non, se passe. Non, maintenant, c'est un peu... C'est le chamboule tout. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté des infos parues sur Internet. Maintenant, vous avez 3 minutes pour parler de Stranger Things saison 5 qui a déboulé hier soir. Enfin, c'est même dans la nuit... 2h du matin. Jeudi. Voilà, dans la nuit jeudi matin. Jeudi matin, 2h. Dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ça. Oui. C'est ça. Et voilà. D'ailleurs, le seul commentaire que je peux faire, moi, parce que moi, pareil, c'est une série que je ne regarde pas, c'est qu'il y a tellement peu de monde qui ont regardé cette série quand les épisodes ont été diffusés par Netflix que les serveurs de Netflix ont planté. Oui. Moi, j'ai vu des gens qui sont restés debout toute la nuit pour ne pas se faire spoiler et tout, regarder à l'heure et tout. Ah, c'est... Voilà. Mais il y avait tellement de monde que les planteurs, les serveurs on dit non mais nous on peut plus, tout le monde tire là, c'est bon, on lâche. Alors ouais. Vous qui avez regardé, je vous donne l'antenne, vous pouvez parler de votre série. Eh bien 3 ans et demi à peu près, hein, c'est à peu près ça, 3 ans et demi après avoir attendu la suite des aventures de toute la bande de jeunes, alors qui a bien grandi. Effectivement, c'est un peu dommage. Hein. Ils ont bien poussé ça. C'est un peu dommage parce qu'il y a quoi ? Il y a deux ans qui sont passés dans la série depuis que ça a commencé, deux ans. Hein. À peine, même pas, non ? Non, parce qu'il y a des éléments en 83, je crois, des moments. Donc, compliqué. Là. Il recule. Le même, problème, il recule, c'est que c'est-à-dire qu'en fait. T'as des gosses qui sont des minimoys et que dans la saison 5, on grandit de 1 mètre, quoi. C'est une dinguerie. À leur honneur, quand ils font des flashbacks, ils arrivent à mettre d'autres personnes plus jeunes, d'autres acteurs. Tu le vois que c'est pas eux. Mais eux qui font les rôles principaux, ça marche pas. C'est vrai qu'on a eu. Allez. trois petites minutes un peu difficiles au début. Parce qu'on se demande... Ils nous mettent 83, mais 83, donc on recule, et pouf! Je dis, oula, on avait un petit peu de mal. Et donc, à un moment donné, effectivement, ils nous remettent un tout petit. Sans spoiler, ils nous mettent un Will petit, mais qui n'est pas Will. Donc, on se demandait si c'était lui ou un autre gosse. Enfin, donc, on a eu 3 minutes, 3-4 minutes. C'est compliqué. Dire, voilà. Mais après, une fois que, une fois qu'on a appuyé sur le bouton et qu'on est rentré vraiment, franchement, on a retrouvé tout ce qui a fait le sel de cette série. L'univers est incroyable, c'est beau. Alors, c'est encore plus sombre. On est effectivement... Et tu vois, ils arrivent à romantiser, enfin pas romantiser, si un petit peu, mais romancer. Oh là là, c'est bien. À romancer tout ça, à l'humoriser. Donc là, elle est vraiment au bout du rouleau. Elle a dépassé son quota de mots. On est à la fin de l'année, elle est à genoux. Les études m'épuisent. Ils mettent de l'humour, quoi. Ils mettent un peu d'humour, tu vois. C'est pas dans le dur, noir, quoi. Ils essayent de... Tu avais fait une bonne remarque maintenant sur le montage qui était incroyable. Oui, le montage a pris un step incroyable. Ah, oui. C'est beaucoup plus professionnel en fait. Ouais. Effectivement, il avait annoncé, les frères Duffer avaient dit. Ils ont dû prendre des cours entre temps parce que ils avaient annoncé que ces dernières saisons seraient comme des téléfilms, comme des vrais films. Ils durent une heure et demie aussi. Donc effectivement, on est à 4h30, à 4h31, ces quatre premiers épisodes. Donc ils font, à part le deuxième, je crois qu'il y a un petit peu plus court, qui fait 55 ou 56 minutes. Le quatrième fait 1h28, 1h30, quasiment comme un film. Et vous avez tout vu? Et on a tout vu. Ouais. On a tout vu. Ah ouais? Alors, les trois premiers épisodes... En fait, je rectifie ce que j'ai dit. En fait, non, c'est parce que t'as trop de mots. T'as été capté par l'histoire, et c'est pas que t'es fatigué quoi que ce soit, c'est que tu veux dire trop de choses en même temps. Ouais, voilà, je pense que les mots se bousculent. Exact. Donc, les trois premiers épisodes étaient bien. Le quatrième sort du lot, t'as envie de voir la suite, quoi. Ah bah oui, ça veut teaser sur la suite. Ah bah ça, c'est vrai. On voit effectivement que ça a été fait en bloc, parce qu'il n'y a pas vraiment trop de suspense entre le premier, très peu entre les épisodes 1, 2 et 3. Et un peu à la fin du 3 et à la fin du 4e, c'est... Voilà, apothéose, dès là, ça s'arrête quand? Est-ce qu'on va regarder la suite, c'est la question. Et donc il faut que vous attendiez janvier, c'est ça? Non, il faut qu'on attende le 26 décembre. Alors après Noël... 10h du matin. Oui, après Noël... Tous se faire spoiler, parce que le 26, comment tu veux qu'on regarde ça? C'est... Voilà, donc on va très vite sortir de l'ambiance de Noël à une vitesse. Ah ouais, c'est sûr. Parce que là, on va à mon avis aller dans un autre univers encore plus sombre. Et là, on va... prendre un step supplémentaire. Le final, c'est le 1er janvier. Mais je ne sais plus, avec les décalages, c'est le 2 janvier à 2h du matin ou le 1er à 2h du matin. Je pense... Je crois que ça doit être dans la nuit du 1er au 2. Du 1er au 2 avec le décalage. Quand même pas sortir ça. Si, parce que les États-Unis pourraient le sortir le 31, mais c'est un peu risqué. Ouais, c'est un peu... Ouais, je sais pas. Oui, alors, le 1er aux États-Unis, heure pacifique. C'est pour ça qu'on a le décalage à 2h du matin. Ouais. Alors, il faut espérer que l'équipe technique de Netflix... s'attelle à renforcer les serveurs, tout ça, parce que bon, c'est quand même étonnant qu'une plateforme comme Netflix, ça flanche. On a vu les limites là pour une fois. Ou alors, ils avaient prévu pour un nombre de visionnages et là, ils ont été dépassés. Bah, je pense qu'à mon avis, oui, ça a dû être. Ils avaient prévu certainement. C'est la première fois. Imagine, t'attends ça depuis 3 ans. C'était comme ça là, t'as envie de savoir la suite. Donc, moi, je comprends. Non, mais moi, je comprends. Moi, 3 mois, j'attendais le retour de Dallas de 24 heures chrono et j'étais comme ça, Benoît aussi. Hein, on était comme ça, on attendait. Et à l'époque, on voyait ça en sous-titré. Est-ce que tu les attends encore? Et on attend. Le 24 heures chrono, 24, je suis à fond dedans. Là. Hier, il y a Tony Almeida qui est revenu là, en saison 4. Franchement, même si j'ai vu, j'étais. Dallas, t'attends plus, Dallas, c'est bon. Dallas, ça dépend. T'arrêtes d'attendre. Quand je vais redémarrer, mais des nouveaux épisodes, non? Non, justement, pardon, je voulais faire une parenthèse. Le compliqué, c'est que Larry Hagman n'est plus là. Donc, On est d'accord. Mais je voulais surtout faire une parenthèse parce que moi, la sensation que ça m'a donnée en regardant Stranger Things, j'avais l'impression qu'on me redonnait des Goonies avec un inédit que j'avais jamais vu dans les années 80 et on me donne ça à manger. Et j'ai trouvé ça magique comme une Madeleine de Proust en fait, parce que c'est dans les années 80. Donc oui, c'est une série actuelle, mais qui est tellement ancré dans les années 80 qu'on a l'impression de voir un truc qu'on a loupé à l'époque. Et c'est ça qui est génial. Et ce qui est aussi génial, c'est, alors tu nous as parlé de la musique, de Diana Ross qui arrive là pour honorer l'Upside Down, parce Upside que down, ouais. C'est vraiment... Ils l'utilisent trop, hein. Je tiens que... Ah, non, ils auraient été vers 3-4. Je suis désolé de vous couper, mais là on est à 5 minutes de la fin et on va se faire taper sur les doigts. Oui, Manon, c'est non, mais j'ai que 2 questions. Donc ok, c'est bon. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et puis on retrouve évidemment Kate Bush. Eh oui. Et là, on nous la remet si on avait oublié. Kate Bush ou Kate Bush ? Kate Bush, Bush, Bush, Bush. Bush. Les deux se marchent. Ouais. Oreille. Et on sait ce que c'est. En tout cas, le Runny Up That Hill va, à mon avis, regrimper dans les charts. Ah bah, comme à chaque fois. Ouais, c'est fois. La chanson. C'est associé au personnage de Max. Ah oui, oui. Voilà. On retrouve un petit peu dans le 4. Oui. L'épisode 4. Mais on ne dira rien de plus. On ne dira rien de plus. Mais quand tu dis Max, c'est Max c'est de Pour l'amour du risque ou rien à voir? Non, c'est une des gamines de l'équipe. Okay. La gamine qui a peut-être de 25 ans. Oui, voilà. Quand même pas, je pense pas 25, mais... Bah, pas loin, hein. Mon avis, la plus pas loin, ouais. Bah, ils ont vachement grandi, hein. Ah, oui, entre la fin de précédente saison et la saison 5... Ça fait 10 ans qu'ils ont commencé ça. Ouais, mais là, y a, le temps d'arrêt était de combien ? Entre la saison 4 et saison 5 ? Bah, 3 ans et demi. 3 ans. 3 ans ? 3 ans et demi, ouais. Et ça pique, hein. Je me rappelle plus, c'est quoi ? C'est par... Il y a eu la grève des scénaristes, hein, ouais. qui a eu le truc. Puis même, le truc est tellement énorme, le montage et tout. Mais c'est vrai qu'ils ont pris, du retard, beaucoup de retard. Il y a eu plein de choses, notamment... Ça valait le coup, parce que c'est magnifique, quoi. Oui. C'est génial. Ils voulaient prendre leur temps pour le final. Deux, en plus, c'est greffé la grève des scénaristes. Et après, il fallait que les plannings s'alignent avec tout ce monde-là, ce qui a fait 3 ans et demi, ouais. Et d'ailleurs, toutes les réponses là, qu'on va avoir dans Manon Séricuit, c'est Stranger Things. Voilà. Justement, là, on se dépêche, parce qu'autrement, on va se faire taper sur les doigts. Allez. Destination série, le Manon Séricuit. 9e épisode de la saison 3, quand même, ça avance vite. Et c'est un jour à marquer dans les annales, puisque je le disais en off, Laurent et Benoît ont le même score. Vous êtes à 6 tous les deux. Je crois que ce n'est jamais arrivé jusqu'ici. C'est énorme, voilà. Et ouais, Sylvain est à 9. Ça voilà, va, un petit peu. Enfin, on n'a plus que 3 points d'écart, Laurent. Hein. Ouais, mais moi, ça. Et non, faut pas être défaitiste. J'adore Benoît, on n'a plus que 3 points d'écart. Bah, bien on sûr, avait Benoît. Plus, on avait plus oui. avant. Hein. Oui, oui, d'accord, mais je veux dire, c'est toi qui vas plus facilement rattraper et botter le derrière de Sylvain que ma pomme. Hein. Bon, allez, 3 mots, une série à trouver, vous êtes prêts ? Bien sûr. Oui. Imperméable. Colombo. Ah, je sais qui l'a dit en premier. C'est Laurent. Tu vois, Laurent ? Toujours être défaitiste comme ça. Effectivement, c'était Colombo. Donc, imperméable, cigarette et enquête. Hein, j'avais pas fini, mais cigare, voilà. C'est cigare. Petite pensée pour Peter Falk. Oui. Ok, deuxième question. C'est une charade. Attention, concentrez-vous. Mon premier est la 11e lettre. Mon second est le bruit de la vache. Mon dernier veut dire beaucoup en anglais. Mon premier est la 11e lettre. Mon deuxième est le bruit de la vache. Qu'est-ce qu'elle fait, la vache ? Merci. Mon dernier veut dire beaucoup en anglais. Comment on dit beaucoup en anglais ? Much, too much ? Non. C'est lot. Camelot. Camelot. Merci. Wow, une extrémiste, merci de m'avoir aidé. Et franchement, vous êtes nul. Hein, si je puis me permettre, j'ai là, trouvé ça va J en comptant les lettres. Alors. J'ai mal compté. Oui, moi j'ai mal compté, j'ai trouvé mais J. Pourquoi la 11e, bah, franchement la première lettre, c'est plus simple. Bah, alors on aurait dit Hamlet. Dans ce cas-là, c'était Hamlet, si tu veux. On s'est trompé, on a compté trop vite. Moi j'ai trouvé J. Bah, oui. Gimlot. Ça marche pas. Et bah, voilà, retourne en maternelle. C'est bon, j'ai un point, c'est tout ça quand même. Voilà, bon, c'est moi le dernier maintenant. Il reste plus de questions. On a fini. Mais non. Ah, l'autre, c'était on a des problèmes de clé aujourd'hui. Ah, c'est bon. C'est pas Laurent, c'est nous. Oui, alors moi, si tu veux, j'ai plus de problème de clé parce que j'ai deux chats qui se sont accaparés de ma clé, donc ça résout le problème. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Destination Série avec, bien sûr... Les meilleurs, et là, uniques. On va attaquer les chansons de Noël et l'ouverture en chansons de Noël. Est-ce que c'est une bonne prochaine. Nouvelle C'est une bonne nouvelle pour ma pomme. C'est une bonne nouvelle pour Est-ce qu'on peut soumettre des pomme. Chansons de Noël aussi Comment Est-ce qu'on peut soumettre des chansons de Noël pour ce on mois va de... Créer non, mais moi, notre ça fait des siècles, Sylvain, que je dis... Mais proposez-moi des chansons eh ben, et on ne m'écoute pas. Mais avant je passerai la mienne parce que la mienne a subi une relecture et moi je vais priorité me donner ce plaisir à Thomas. Là, hein.